Maître Tobias est sur la route. Une route isolée des autres qui serpente au travers de la tourbière d'Ahapa. Ces cordes innombrables qui enserrent voracement le sol pour y retenir la moindre parcelle de pluie qui y est tombée. Un paysage que certains jugent désolé. Un paysage ô combien différent des la riante vallée dont est originaire Maître Tobias. Il est là, en ces terres déshéritées, oubliées de la plupart, parce qu'il a entendu l'appel. Un appel porté par les murmures du vent plaisant du printemps, mais un appel dissonant, des voix de souffrance qui retentissent au loin, un trou dans la trame même de l'air. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume éternel de sa pureté, le haut roi. La guerre gronde aux frontières, la menace est présente, mais il y a quelque chose, une présence autre, qui assaille une petite communauté qui vit recluse au bout de cette même route. Elle a coutume d'alimenter en bois, en charbon, ceux de la vallée et la source s'est tarie. Le temps des échanges qui, sitôt l'hiver, oublié, sitôt les chants et les vols des oiseaux se répandent dans le ciel. Alors les colporteurs reprennent leur route, les grumes glissent sur les eaux depuis les hauteurs, traversent au travers des méandres de la du Yewan. Rejoindre le village en contrebas et compter les grumes abattues ou descendre en rang serré de belles planches, du beau bois qui permettra d'édifier, de construire, de bâtir, de conserver à l'homme sa prééminence sur le monde qui l'entoure. Tout cela, tout ce frêle équilibre semble rompu depuis quelque temps déjà, selon la rumeur, le murmure porté par les vents jusqu'à toi, Maître Tobias. Depuis quelque temps déjà, cette petite communauté recluse redoute de se rendre dans ces bois qui ont fait sa fortune. Sur mon trajet, souvent je faisais des haltes pour observer ma pierre. Ferme un gros moustique. Et pourquoi contemples-tu ce moustique? Penses-tu que une maladie, un esprit néfaste réside dans les bois? Je regardais cette ombre, car j'aime beaucoup la couleur que prend ce genre de pierre, mais ça m'étonne qu'un moustique ait réussi à rentrer à l'intérieur ou se fige. Peut-être parce qu'il ne s'agit tout bonnement pas de pierre, mais de la sève figée dans le temps, dans lequel s'est englué ce moustique il y a fort fort longtemps. Toujours est-il que dans ce village, on n'ose plus parcourir les sentes forestières qui mènent au lieu des sartages, là où les hommes avaient coutume autrefois, car le passé semble déjà de rigueur. Battre les arbres. Après que tu aies parcouru ces étendues qui chatoient sous le soleil du printemps, drossées par la lumière intermittente qui sourd des nuages portés par le vent, tu parviens en lisière de la grande forêt qui enserre la communauté. Un amas de masures de bois goudronné de la poix prélevée sur les arbres abattus dans la forêt, des toits gris austères qui contrastent fort avec les couleurs pimpantes badigeonnées sur les claies des façades, des rouges, des bleus, des verts intenses qui contrastent sur la dense forêt sombre qui s'étend sur les hauteurs à perte de vue. direction du nord et du froid. Comment entends-tu secourir cette communauté? Comment te présentes-tu à eux? Premièrement, je m'approche du plus vieux du village, ce qui a l'air d'être un doyen. Je m'avance d'un pas hésitant. Tu te rends directement au village? Tu n'observes pas les lieux, tu ne t'imprègnes pas des lieux, tu ne recherches pas de lieux qui seraient empreints de la voie des esprits. Quand j'arrive en vue du village, déjà je commence à observer ce qui se passe, s'il y a du monde, s'il y aurait... Quels sont les signes d'activité, c'est cela ? Exactement. Après avoir avancé dans le pays. Lorsque tu t'arrêtes sur la dernière, le dernier contrefort de la route qui hésite à rejoindre le hameau, que tu es en vue des maisons, ce qui te frappe d'abord, c'est l'immensité de la forêt au regard du hameau. De grands arbres qui s'élèvent, immenses de leur tronc vers le ciel, qui semblent griffer le ciel où courent les nuages que pousse le vent. Ce village te semble perdu, isolé, oublié. Mais il est quelque chose qui attire ton attention. Qu'est-ce ? Tu te tiens... En vue de celui-ci, tu es en contrebas. Un fumet timide s'échappe de quelques-unes des cheminées ménagées mais quelque chose manque. Tu entends le murmure du vent qui porte à toi, qui transporte. L'appel de cette forêt immense, ses bruissements au loin. Les mugissements qu'il affecte à traverser le bois, sa lisière. Tu entends ce vent, mais... Tu n'entends pas les hommes. Tu n'entends pas ce qui réchauffe ton cœur lorsque il te prend d'écarter le linge qui en serre ta pépite orangée, qui en serre ce reflet de printemps, suspendu au-dessus des maisons sages de ta communauté. Car ce qu'il y a au printemps, ce qui réchauffe le cœur, ce sont les bruissements multiples et variés de la vie. Le tintement du marteau du forgeron qui s'échine à la tâche. Le bruit des bêtes. Le bruit de la houe qui œuvre dans les champs. L'effort même des hommes qui retentit sans cesse la journée durant, car tu sais combien en ces terres la vie est précaire et combien il faut aux hommes d'attention pour soutirer à la terre leur subsistance. Ce que tu n'entends pas et que tu aurais aimé entendre, même si tu aimes les grands arbres, leur écorce rugueuse, l'odeur de la sève, des pins. Leur saveur boisée qui se répand sur tes papilles en imaginant les tartes, les tourtes et tout ce qu'il est bon de manger au-dedans, au cœur de l'hiver, ce que l'on aura récolté, ce que tu aurais aimé entendre à ton corps défendant, c'est le bruit des haches, de la cognée qui mord l'écorce des arbres. Ce que tu vois, c'est une scierie où les grumes s'amoncellent et où tu ne vois autour aucun homme s'agiter. Une scierie déserte qui n'est ébranlée par aucun des bruits de l'activité des hommes.